Le philosophe Taurus fut un des maîtres et amis d'Olugel. Un proconsul est un ancien consul de Rome qui gouverne une province romaine. Un jour, Taurus reçut la visite du proconsul de la province de Crète qui, accompagné de son père, était venu à Athènes pour le voir et faire sa connaissance. Ils arrivèrent fort à propos. Taurus venait de congédier ses disciples. Nous étions assis à l'entrée de la maison et nous entretenions familièrement. Le proconsul et son père se présentent. Taurus s'élève avec dignité et, après les compliments d'usage, se rassied. On avance le premier siège qui se trouve sous la main. Et pendant qu'on va en chercher d'autres, Taurus invite le père du proconsul à s'y placer. Mais celui-ci refuse en disant « Que mon fils le prenne, il est magistrat du peuple romain. » « Sans préjudice de la dignité de ton fils, » répond Taurus, « assieds-toi et nous examinerons ensemble lequel de vous deux doit s'asseoir le premier, si le titre de père doit l'emporter sur les droits du magistrat. » Enfin, le père s'étant assis et le siège pour le proconsul ayant été apporté, Taurus se mit à disserter, et avec quelle justesse, sur la déférence et les égards que les pères et les fils se doivent réciproquement. Voici le précis de sa dissertation. Lorsqu'un fils paraît dans les lieux publics, lorsqu'il remplit ses fonctions de magistrat, le père doit abdiquer ses droits et céder la place pour un moment. Mais, hors des affaires publiques, dans la famille, dans toutes les circonstances de la vie privée, dans les repas, dans les promenades, dans les réunions intimes, le magistrat s'efface pour faire place au père, simple particulier. Et la dignité paternelle reprend les droits que lui donne la nature. Or, votre visite, l'examen que je fais avec vous de ces sortes de procédés, tout appartient à la vie privée. Jouis donc chez moi, dit Taurus, des droits et des honneurs dont il est juste que tu jouisses chez toi.